se tient devant toi. Et tu ne les vois pas. Les richesses de Kataï, les splendeurs de Mandige, obnubile ta vue. Centenaire, d'un bond il rejoint les cimes. Le petit vieillard vert, ivre et nu sait nager dans les flots imprévus de la grande vivante. Mendiant Hilar, il loge au grand palais de Kabalaï. Le régisseur des saisons, comme un enfant respectueux, l'interroge sur l'art de gouverner. Est-ce qu'un marchand pourrait connaître la sagesse? Hé, Marco, mais si millionne, quel est ton prix? Le secret de la fleur serait-il négociable? Thank you. Verrassne von Drmöns, Björdusröjas flittloss. Tatai must van gästa vjönjo, Stustjägan östu vlån. Oj, stjesnö. Kakrostikja, Nødjeste vråkje kakkes, Diskusjonatjus flø. Pjardostio prenelokjo, Kantan oi, Kantan oi, Skifly, Mjardus doko nøyes dy. Smykringa jo, fristja, stoikatskane, leitrø, kitskofro, fribok i jakkne, gnie. Thank you.